y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi, la maman, y a tant de larmes et de sourires à travers toi, toi, la maman, que jamais, jamais, jamais tu ne nous quitteras. Hermosa y eterna canción de Charles Aznavour. Al año siguiente, una ya famosa Bárbara publica una canción que hizo historia. Se llama Nantes, Nantes en francés. Es una ciudad de Bretaña, del noreste de Francia. Es una canción autobiográfica. Un día, Bárbara ya recibe un mensaje. Se tiene que ir a Nantes porque el tiempo apremia. Sale de la estación, llueve. Todos estos años sin saber de él, por fin lo va a volver a ver, pero llega tarde. No lo ha esperado. Solo en los últimos compases de la canción estalla un mon père, mi padre, desgarrador. Mucho tiempo había esperado noticias de él, este vagabundo desaparecido 10 años antes. Quería antes de morir calentarse a su sonrisa, pero murió sin un adiós, sin un te quiero. Bárbara es una de las grandes de la canción francesa, amiga de Brel y Moustaki, con quien canto a dúo Una dama morena, ella. Tiene un sello particular y un aspecto único. La profundidad de sus textos y el timbre de su voz, así como su compromiso con el SIDA, o que siendo judía es un símbolo de la amistad franco-alemana con su canción Göttingen, han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Revelará en sus memorias que fue víctima de abuso por parte de ese padre. Quería recoger un mea culpa para que se vaya en paz, pero llegó tarde. Tardó 4 años en poder escribir esa canción. 15 años después se inaugura en la ciudad de Nantes una calle con la presencia de la misma Bárbara con el nombre de La Grande Jolou, calle que no existía cuando salió la canción, pero donde sitúa la muerte de su padre. Escuchamos Nantes, Nantes, del año 64 por Bárbara. Il a plu sur Nantes, donne-moi la main, le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, il y a juste 1 an déjà, la ville avait ce teint blafard lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur, son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps je l'avais espéré, ce vagabond se disparut. Voilà qu'il m'était revenu, 27 rue de la Grange au Loup. Je m'en souviens du rendez-vous, et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assis

Tu ne sais même pas, sortant de mon cimetière, que tu entres en ton enfer quand s'accroche à ton bras le bras de ton quelconque, le bras de ton dernier, qui te fera pleurer bien autrement que moi. Je me vois déjà m'installant à jamais, bien au triste, bien au froid, dans mon champ d'eau soleil. Ah, je me vois déjà, je me vois tout au bout de ce voyage-là, d'où l'on revient de tout. Je vois déjà tout ça, et on a le brave culot d'oser me demander de ne plus boire que de l'eau, de ne plus trousser les filles, de mettre l'argent de côté, d'aimer le filet de maquereau, et crier, siffle le roi, la, la, la, la, la, la, la. Llegamos al año 72 con este monumento musical con nombre de La Mort, sencillamente La Muerte. Un texto de Jean-Roger Cosimon, que ya hemos escuchado en este programa, con la música e interpretación de su amigo del alma, Leo Ferré. Mi muerte no será un esqueleto, sino chica veinteañera con cabellera pelirroja y su velo de novia. Requiem de Mozart es la belleza, el destello de la espada. Sabe que el tiempo cada día nos roba algo. Es eutanasia, la enfermera, la liberación del tic-tac del tiempo. Pero ¿qué pasa con los que van a su encuentro? Como nos ganamos la vida, nos tenemos que ganar a la muerte. Escuchemos La Mort, Ne chantez pas la mort, de Léo Ferré, del año 62. Ne chantez pas la mort, c'est un sujet morbide. Le mot seul jette un froid aussitôt qu'il est dit. Les gens du show business vous prédiront le bide. C'est un sujet tabou pour poète maudit. Et dès lors, miracle des voyelles, il semble que la mort est la sœur de l'amour. La mort qui nous attend et l'amour qu'on appelle, si lui ne vient pas, elle viendra toujours. La mort, la mort, la mienne n'aura pas comme dans le Larousse un squelette, un linceul, dans la main, une faux. Mes filles de 20 ans, à chevelure rousse, en voile de mariée, elle aura ce qu'il faut. La mort, la mort, de grands yeux d'océan, une voix de génie, un sourire d'enfant sur des lèvres ta main. Douce, elle apaisera sur sa poitrine nue mes paupières brûlées, ma gueule en parchemin. La mort, la mort. Requiem de Mozart, et non dans ce macabre, pauvre valse musette au musée de Saint-Saëns. La mort, c'est la beauté, c'est l'éclair vif du sabre, c'est le doux pain total de l'esprit et des sens. La mort. La mort. Et n'allez pas confondre et les faits et la cause. La mort est délivrance, elle sait que le temps quotidiennement nous vole quelque chose, la poignée de cheveux et l'ivoire des dents. La suprême infirmière, elle survient à temps pour arrêter ce jeu. Près du soldat blessé dans la boue des rizières, chez le vieillard glacé, dans la chambre sans feu, la mort, la mort. Le temps, c'est le tic-tac monstrueux de la mort. Éternité. Mais qu'advient-il de ceux qui vont à sa rencontre? Comment gagne sa vie? Faut-il mériter la mort? La mort. La mort. Escalofríos nos da esta canción. Bueno, vamos a cambiar un poquito. Vamos a escuchar ahora al niño terrible de la canción francesa, Daniel Balavoine. Posiblemente el músico más comprometido de la escena francesa, conocido por decir todo lo que pensaba, incluso frente a políticos como Mitterrand, por ejemplo. Fue un pionero de la acción humanitaria en África. Murió de hecho en un accidente de helicóptero en Mali cuando iba a entregar bombas de agua solares a comunidades indígenas a solo la edad de 33 años. Autor compositor de éxito, innovador en el terreno musical, era el artista más prometedor del momento cuando la muerte se lo llevó. Saltó a la popularidad por la comedia musical Starmania, compuesta por su amigo Michel Berger y también por su potente y aguda voz, como vamos a comprobar ahora. Este tema, Partir avant les miens, Irme antes de los míos, compuesto solo 3 años antes de su desaparición, parece premonitorio. Pone en escena la fiesta de su entierro y prefiere no ver a los suyos apagarse. Les pide que no recen por él, que el polvo vive fuera del tiempo. Escuchemos Partir avant les miens de Daniel Balavoine del año 83. Fêtez mon enterrement. Vita. Danser, buvez en me berçant, que je vous aime en m'endormant. Un año después de la muerte de Balavoine, que fue un trauma nacional en Francia, France Gall, que comparto escenario con él en Starmania, interpretó el siguiente tema que vamos a escuchar, que compuso Michel Berger, su marido. Dicen que a France Gall, amiga íntima de Balavoine, le costó grabar esta canción muy sentida que dice: hay un sabor amargo en nosotros, un sabor a polvo, y la ira que nos sigue por todas partes. Hay silencios que hablan más que las palabras. Evidentemente, el título de la canción, seguimos bailando y riéndonos, pero no como antes. Escuchemos Évidemment de France Gall, de Michel Berger, interpretado por France Gall del año 87. Y a como un goût amer en nous. Como un goût de poussière dans tout. Et la colère qui nous suit partout. Y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, évidemment, comme des enfants, mais pas comme avant. Et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure de boue qui ne change rien, qui change tout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, comme des enfants, mais pas comme avant.

Seguimos con otro nuevo intérprete, pero con un apellido que ya conocemos. Se trata de David Hallyday, el hijo de Johnny Hallyday y de Sylvie Vartan. Con estos padres, fácil tenía ser músico, pero difícil hacerse un nombre propio. Lo ha conseguido con creces. Primero haciendo canciones para los demás, entre los cuales su madre, cuando emigró a Estados Unidos después de su separación con Johnny. Allí se lanzó a cantar y consiguió el éxito en inglés. Después volvió a Francia e hizo hasta álbumes enteros para su padre, que conseguía un rotundo éxito. Este tema se llama Tu ne m'as pas laissé le temps, no me has dejado tiempo. Le canta a su abuelo materno, Georges Vartan, un búlgaro que tuvo que emigrar a Francia al poco de ocupar su país los soviéticos, que murió cuando tenía él 4 años, en el 70, y fue el alma artística de la familia. Todos sus descendientes se dedican al arte. Me quedo con mis recuerdos, como un espejo roto. Lo que quería decir, se queda en páginas en blanco. No me has dejado tiempo de decirte todo lo que te quiero, lo que me has enseñado, siempre se debería decir antes la importancia que la gente toma cuando todavía se está a tiempo. Tu ne m'as pas laissé le temps de David Hallyday de l'año 98. Je reste avec mes souvenirs, ces morceaux de passé, comme un miroir en éclat de verre. Mais à quoi ça sert, ce que je voulais te dire, reste sur des pages blanches, sur lesquelles je peux. Tu ne m'as pas laissé le temps. Toi qui m'as tout appris et m'as tant donné, c'est dans tes yeux que je grandissais et me sentais fier. Un jour tout s'arrête et vous laisse encore plus seul sur terre. Sans savoir quoi faire, tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime et tout ce que tu me pas laisser le temps. Thank you. Volvemos a encontrarnos con la quebequesa Linda Lemay, un tema del año 2011, pas de mots, ninguna palabra. Es una especialista en situaciones cotidianas. En esta ocasión nos habla de lo difícil de la muerte de un hijo. Cuando se pierde a los padres, nos llaman huérfano. A la esposa, viudo. Pero cuando se pierde a un hijo, ningún literato hasta hoy ha encontrado la palabra. Cuando salvemos a un hijo, nos llaman héroe. Pero cuando perdemos a uno, no hay palabra. Pas de mots de Linda Lemay del año 2011. Quand on perd ses parents, on s'appelle orphelin. Quand on perd son épouse, alors on s'appelle veuve. Quand on perd sa jeunesse, bien entendu, c'est vieux que l'on devient. Mais quand on perd son gamin, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de nom pour décrire le père. Celui qui porte son garçon au cimetière. Jamais un seul poète, un seul pasteur, jamais un seul auteur n'a eu assez de lettres pour tant de douleurs. Quand on perd la raison, bien sûr on s'appelle fou. Et puis on s'appelle pauvre à perdre trop de sous. Quand on perd la mémoire, tout de suite on est qualifié d'amnésique. Mais il y a des choses qu'aucun mot n'explique. On aura beau fouiller les plus vieux dictionnaires, posséder le plus vaste des vocabulaires, décortiquer Baudelaire jusque sous terre, jusqu'à son dernier vers. Il n'y a pas de mots, pas de manière d'appeler le parent d'un enfant qui n'est plus. Il n'y a pas de mot pour ça qui soit connu. Quand on perd ses parents, on s'appelle orphelin. Quand on perd son mari, alors on s'appelle veuve. Quand on perd son petit, c'est évident, il n'y a pas de mots. Pourtant, il y en a des mots qui nous émeuvent. Mais là, il n'y en a aucun, il n'y a vraiment rien à dire. On ne sait même plus trop si on a le droit de vivre. Mais bon, on vit quand même, on vit tout simplement pour ne pas crever. On rit pour ne pas pleurer, des flots sans rire. Oui, on vit parce que lui, il ne pourra plus le faire. On vit parce qu'on se dit que sans doute, il en serait fier. Quand on sauve un enfant, on s'appelle héros. Mais quand on en perd un, y a pas de mots. Una última canción para terminar. Nos volvemos a encontrar el 14 de diciembre, la misma hora. Un tema de Patrick Bruel, un músico y actor nacido en Argelia, en el seno de una familia judía, en el 59. Se acuñó en el 90 el término de Bruelmania por el fenómeno mediático que era. Hay que señalar que se niega en actuar en ayuntamientos que gobierna el Frente Nacional y que fue víctima de insultos antisemitas por parte de Jean-Marie Le Pen. Su tema, dans ces moments-là, en esos momentos, dice que cuando muere un amigo no se sabe qué decir, y entonces la pandilla que se encuentra alrededor del ataúd dice que quiere volver a rememorar los recuerdos antiguos. Escuchamos Dans ces moments-là de Patrick Bruel del año 2012. J'essayais d'écrire un discours. Marion fermait la grande maison. Manu râlait comme toujours. Les autres fumaient sur le balcon. Marco et François en costard. Evelyne et Gégé en retard. Pascal en larmes au coin de la rue. Je suis venu dès que j'ai su. Qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là? On s'embrasse, on ne sait pas. Les mots sont tellement dérisoires. Qu'est-ce qu'on fait de nos souvenirs? Nos larmes et nos fous rires. Quand part un peu de notre histoire. Une chambre bleue, 16 ans à peine. Ta première fois, qu'elle était belle. Nos éclats de rire dans le couloir. Tellement jaloux, fallait nous voir. Les parties d'échecs, les moustiques. Nos grandes engueulades politiques. Vos regards noirs pour me faire taire. J'allais trop loin avec ton père. Qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là? On se serre dans les bras. On baisse les yeux comme des enfants. Il aurait voulu qu'on se marre. Que je prenne ma guitare. Et que tout le monde chante comme avant. Cette mélodie de Samson, une drôle de vie, un frisson. Juste quelques notes d'adolescence, comme des enfants. On se retrouve en file indienne.